Je vais vous lire le chapitre 15 du livre de Bradley Smith, Confidence d'un révisionniste américain. Mais avant cela, je vais vous en lire la présentation par le professeur Forisson. Dans son traitement du faux témoignage, Bradley Smith n'a pas son pareil. Je recommande à ce propos ses analyses du mythe du savant juif, de l'imposture des abat-jours en peau humaine, des élucubrations d'Elie Wiesel qui, comme le dit un ami de Bradley, mériterait le prix Nobel du vol plané. Et surtout, pour qui voudrait s'initier gaiement au révisionnisme, je suggère de lire l'entier chapitre 15 sur le grand témoin de Treblinka, le charpentier Yankiel Wiernek. Quand le procès de John Demjanjuk s'ouvrit à Jérusalem, le ministère public fit venir Itzhak Arad, directeur du musée du mémorial de l'Holocauste de Yad Vashem, pour expliquer à la cour comment Treblinka était organisé et commandé. Yad Vashem est réputé être le cerveau, le cœur et l'âme de l'industrie de l'Holocauste dans le monde. On accusait Demjanjuk d'être l'homme que certains internés de Treblinka connaissaient sous le nom d'Ivan le Terrible, celui qui aurait fait fonctionner les chambres à gaz de Treblinka où près d'1 million de juifs avaient été censément gazés. Comme on n'a pas trouvé trace nulle part d'un quelconque document sur les chambres à gaz de Treblinka, ni d'ailleurs sur les autres, le dossier Demjanjuk s'appuyait essentiellement sur des témoignages oculaires. Dans ce camp où 1 million de juifs environ auraient été assassinés, quelques dizaines d'internés s'évadèrent durant la sensationnelle émeute qui s'y déclencha un après-midi d'août 1943. Au cours des violents affrontements qui suivirent, on estime qu'un Allemand peut-être perdit la vie. Yankiel Wiernek était au nombre des évadés. On s'appuie généralement sur leurs témoignages pour affirmer que Treblinka fut en réalité un camp d'extermination des Juifs. La première semaine du procès, Demjanjuk, Itzhak Arad dressa l'historique officiel de Treblinka devant le tribunal de Jérusalem en se référant pour l'essentiel aux témoignages oculaires de Yankiel Wiernek. Ce juif polonais menuisier de son état fut interné à Treblinka en 1942, mais il parvint à s'évader pendant la grande émeute d'août 1943. Il retourna alors à Varsovie où il réussit à prendre immédiatement contact avec la résistance. Installé dans une maison sûre, il rédigea un essai autobiographique sur ses expériences à Treblinka, dont on tira 2000 exemplaires en polonais pour la diffusion locale. En 1944, le texte parut également en anglais à Brooklyn, au cœur de New York. Il ne s'agit donc pas ici d'un matériau ésotérique difficile d'accès pour les historiens américains. L'essai de Wiernek est actuellement disponible dans une anthologie publiée à New York par d'anciens internés, This Camp Treblinka. Si on n'a pas trouvé trace nulle part d'un quelconque document sur les chambres à gaz de Treblinka et qu'on me demande de m'en remettre au témoignage d'un homme qui affirme avoir vu fonctionner dans le camp une usine de meurtre de masse, je prends soin d'examiner attentivement ses déclarations. Je ne veux pas être dupe, Treblinka est pour moitié une histoire juive, mais c'est aussi pour moitié l'histoire d'Allemands et d'Ukrainiens sur lesquels pèse une terrible accusation. Globalement, les Juifs ne sont ni supérieurs en qualité, ni plus fiables que les Allemands et les Ukrainiens. Avant d'accepter ce récit, qui est une longue litanie d'accusations contre des personnes, je veux donc avoir quelques renseignements sur ce Yankiel Wiernek. Je ne veux pas acheter chat en poche. Peut-on raisonnablement douter de certains éléments factuels de son récit et, dans l'affirmative, s'agit-il d'éléments centraux ou secondaires ? Je veux également cerner le caractère de l'homme. L'un dans l'autre paraît-il sincère, juste psychologiquement, sain, etc. ou en est-il autrement ? Dès la première page de son remarquable essai autobiographique, M. Wiernek nous livre un avant-goût de son caractère. J'ai sacrifié ceux qui m'étaient les plus proches et les plus chers. Je les ai moi-même conduits jusqu'au lieu d'exécution. J'ai construit leur chambre à gaz pour eux. J'ai mené des millions d'êtres humains à leur perte. On ne saurait être plus clair. Wiernek affirme qu'à Treblinka, il a assumé le rôle de Judas. Il a conduit les Juifs, y compris apparemment sa famille et ses amis, à l'abattoir et collaboré avec les SS à la construction des chambres à gaz. Quand il déclare avoir mené des millions de Juifs à leur perte, Il parle de dizaines de milliers de bébés juifs, de leurs pères et mères, de leurs grands-pères et grands-mères, de leurs frères et sœurs, de leurs tantes, oncles et cousins, tout le monde. Des communautés entières de juifs éradiquées de la surface du globe, si l'on en croit notre témoin oculaire survivant. Par nature, je suis tenté de ne pas suivre Yankiel Viernik sur ce terrain. Je ne crois pas que les Allemands commirent les actes que Viernik leur impute. Je ne crois pas que les Juifs se comportèrent comme il le dit, et je ne crois pas que Yankiel fut réellement cet inconcevable faux frère qu'il prétend avoir été. Je doute qu'il en ait jamais existé de la sorte. Pourtant, les historiens et les lobbyistes professionnels de l'Holocauste ont pris son témoignage pour argent comptant et, face à eux, qui suis-je ? Dans aucun article publié, je n'ai jamais vu émettre la moindre réserve sur ce qu'il faut bien appeler un collaborateur nazi. Je vais donc me livrer ici à un petit exercice d'imagination à l'intention de nos historiens. Faire le brise-glace pour eux, si l'on veut. Rien d'extravagant. Je replacerai simplement dans leur contexte les propos de Viernik et, n'étant pas un historien professionnel de l'Holocauste, je les examinerai sur un plan humain. Voici donc l'histoire d'un authentique héros survivant de l'Holocauste. Le 23 août 1942, à Varsovie, les Allemands chargèrent Yankiel Viernik et plusieurs milliers de ses pareils dans un train en partance vers l'Est. Le lendemain après-midi, le train arriva à Treblinka. Là, Viernik découvrit que... La grande cour du camp était jonchée de cadavres, certains encore habillés et d'autres complètement nus, le visage déformé par la terreur noire et enflée, les yeux grands ouverts et la langue pendante de crânes brisés, de corps mutilés. Et partout du sang, le sang de gens innocents, le sang de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos pères et mères. Impuissants, nous sentions intuitivement que nous ne pourrions échapper à notre destin et que nous succomberions bientôt nous aussi à nos bourreaux. Mais qu'y faire ? Viernik débarqua donc de son train dans un enfer terrestre et, avec une passivité à peine croyable, décida de s'installer aussi rapidement que possible et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il passa son premier après-midi avec d'autres juifs à transporter les cadavres mutilés et sanglants de leurs enfants, frères, sœurs, pères et mères dans des fosses de crémation. Leur besogne ne s'interrompit que lorsqu'en un autre endroit de la cour, les Allemands fauchèrent 400 juifs à la mitrailleuse. Cela dura environ une demi-heure pendant laquelle Viernik et ses camarades juifs du Sonderkommando, pour utiliser l'expression consacrée, se tenaient sur le côté, les mains dans les poches, écoutant les hurlements et les gémissements. À l'issue de leur journée de travail, patients et endurants, Viernik et les autres juifs se laissèrent conduire à coups de fouet et de crosses de fusil dans un baraquement sombre qui n'avait pas de plancher. Le lendemain matin, on réveilla Viernik au lever du jour et on le chargea à nouveau de manipuler les cadavres. Les auxiliaires juifs, qui étaient répartis par équipe de deux, devaient traîner les cadavres juifs sur approximativement 300 mètres, jusqu'à des fosses où ils étaient brûlés. Un Allemand ou un Ukrainien armé d'un fusil et d'un fouet escortait le Sonderkommando et frappait les auxiliaires juifs sur la tête pendant qu'ils charriaient les corps des victimes. Les cadavres étaient restés à terre un bon moment et commençaient déjà à se décomposer, répandant dans l'air des effluves de putrescence. Déjà des vers rampaient partout sur les corps. Il était fréquent qu'un bras ou une jambe se détache. Donc nous travaillions de l'aube jusqu'au crépuscule, sans nourriture ni eau, dans ces effroyables conditions. Effroyables conditions, en effet. Pourtant, Viernik et la grande majorité des autres auxiliaires juifs arrivèrent à s'adapter. Viernik explique avec quelle rapidité il réussit à s'installer dans la routine du camp. Le 29 août, il eut le réveil habituel. Le sous-lieutenant Franz Kurt prononça un discours dans lequel il annonça que désormais chacun serait employé dans le métier qui était le sien. Les premiers à être appelés furent les ouvriers spécialisés dans le bâtiment. Je me présentais comme maître maçon. Après cette première semaine à Treblinka, effectivement très éprouvante et franchement détestable, Viernik réussit donc à améliorer sensiblement sa condition. Et c'est dans ces circonstances qu'il entama sa longue et fructueuse collaboration avec les SS dans leur destruction des Juifs européens. Notre équipe de travail s'agrandit. On creusa les fondations d'une espèce de bâtiment. Personne ne savait ce que c'était. Il y avait dans la cour quelques bâtiments en bois entourés d'une haute clôture. La destination du bâtiment était tenue secrète. Quelques jours plus tard, un architecte allemand arriva avec son assistant et le travail de construction démarra. Le destin ne m'épargna rien. Au bout de quelques jours, j'appris la destination du bâtiment derrière la clôture et cette découverte me glaça d'horreur. On comprend ici que le bâtiment derrière la clôture abritait une chambre à gaz. L'espèce de bâtiment dont les auxiliaires juifs avaient creusé les fondations était en fait destiné à abriter de nouvelles chambres à gaz, d'où ce propos de Wiernick au début de son ouvrage lorsqu'il reconnaît avoir lui-même construit les chambres homicides qui servirent à l'extermination de millions de juifs, dont les êtres les plus proches et les plus chers à son cœur. En 1962, au terme d'un enlèvement et d'un procès spectaculaire, Adolf Eichmann, un Allemand, fut mis à mort en Israël pour avoir, disait-on, transporté des Juifs vers des camps tels que Treblinka. La défense d'Eichmann consistait à dire qu'il ignorait tout des exterminations dans ces camps et qu'en tout état de cause, il avait obéi aux ordres. Il fut pendu à Ramle, en Israël. Yankiel Wiernick, un juif, affirme qu'il avait une parfaite connaissance des exterminations de Treblinka et qu'il aida même à construire les installations qui en furent le théâtre. Sa défense consistait à dire qu'il avait obéi aux ordres. Wiernick survécut à Treblinka et à la guerre et passa les 30 dernières années de sa vie de survivant en Israël où il fut un citoyen honoré. À l'université, dans les cours d'anglais, les professeurs appellent cela de l'ironie et c'est fort prisé. Lorsqu'avec son équipe de travail, Wiernick eut achevé la construction des chambres à gaz pour l'ISS, il ne tarda pas à observer les fruits de ses efforts. Le jour où, pour la première fois, je vis qu'on conduisait des hommes, des femmes et des enfants dans la maison de la mort, je faillis devenir fou, je m'arrachais les cheveux et versais d'amères larmes de désespoir. Beaucoup d'entre nous reconnurent leurs enfants, leurs épouses et d'autres êtres chers parmi les victimes. Je peux comprendre qu'il fut bouleversé par le spectacle de centaines, voire de milliers de juifs nus qu'on amène dans les chambres à gaz, des parents nus portant leurs enfants nus, des brutes ukrainiennes les frappant avec des tuyaux et les tailladant à coups de sabre, des chiens les mordant et les déchirant jusqu'à ce que ces malheureux commencent à franchir d'eux-mêmes en courant les portes de la chambre à gaz, à ce que nous dit Wiernick, les plus forts poussant les plus faibles devant eux, tant ils sont désireux de mourir rapidement dans les abattoirs humains. Et pendant tout ce temps, Wiernick et ses camarades sont là à s'arracher les cheveux et à hurler. 20 minutes plus tard, l'extermination est terminée et les auxiliaires juifs extraient leurs frères des chambres de la mort avant de les transporter jusqu'aux fosses de crémation. Nous aurions pu refuser, mais cela aurait signifié la flagellation ou la mort. Alors nous obéîmes sans murmurer. Je suis sidéré quand je découvre la capacité de l'usine d'abattage de Treblinka. 10 à 12 000 exterminations en une seule journée dans une douzaine de chambres à gaz de 5 mètres sur 5. Voilà qui est terrifiant, mais remarquable aussi. Qui d'autre que les Allemands, dont la technique était à l'époque la plus avancée de la planète, aurait pu réaliser un tel prodige? Tout au fond de moi, je suis forcé de les admirer un peu. Qui étaient les chercheurs capables de mettre au point un gaz aussi meurtrier? Où était situé leur laboratoire secret? Comment fonctionnait concrètement le fruit de cette haute technique pervertie? Yankel nous l'apprend. Un moteur pris sur un char soviétique désarmé se trouvait dans la centrale électrique. On se servait de ce moteur pour amener le gaz dans les chambres en le reliant au tuyau d'arrivée. La vitesse à laquelle la mort emportait les victimes impuissantes dépendait de la quantité de gaz de combustion qu'on introduisait chaque fois dans la chambre à gaz. Plus simple que je ne l'aurais cru, à vrai dire. Mais je suppose que le génie s'exprime souvent avec simplicité. Comment était choisi et formé le personnel qui faisait fonctionner ce redoutable abattoir? Le fonctionnement des chambres à gaz était assuré par deux Ukrainiens. L'un d'eux, Ivan, prenait plaisir à torturer ses victimes. Souvent, il se jetait sur nous pendant que nous travaillions. Il nous clouait les oreilles au mur ou nous faisait... Attendez une minute. Ai-je bien compris? Clouer nos oreilles au mur? À quel mur? Au mur de la chambre à gaz, en bois? À l'intérieur de la clôture? Quelle superbe image! Je la distingue très nettement à présent. Des centaines, peut-être même des milliers de juifs tout nus sont conduits vers les chambres à gaz à coups de fouet et de matraque. Ils commencent à réfléchir très sérieusement à l'injustice du traitement qui leur est infligé. Certains d'entre eux sont de plus en plus contrariés. Dans l'esprit d'une petite minorité d'entre eux, l'idée commence à germer que la situation n'est plus tolérable et qu'ils devraient peut-être se retourner contre leurs geôliers, peu nombreux après tout, en les assommant. Au moment décisif, cependant, il découvre le spectacle de 6 ou 8 maîtres maçons cloués par les oreilles aux murs extérieurs d'une chambre à gaz, épinglés là comme de vulgaires papillons. Les juifs tout nus n'en croient pas leurs yeux. 2 ou 3 maîtres maçons qui obéissent aux ordres jusqu'au bout tiennent encore des marteaux et des scies dans leurs mains noueuses. Les centaines ou les milliers de juifs qui un instant plus tôt étaient, peut-être, sur le point de résister à leur extermination et à celle de leurs épouses et de leurs enfants, ont un moment de distraction devant cette vision grotesque et avant qu'ils aient eu le temps de se reprendre, leur destin est scellé. Ils sont déjà à l'intérieur des infernales chambres de mort de Treblinka. Combien de fois Yankee Elviernik s'est-il retrouvé cloué au mur d'une chambre à gaz par l'une de ses oreilles ? Souvent, si nous devons le prendre au mot. Il est important de croire à cette histoire, car, dans le cas contraire, certains d'entre nous pourraient être tentés d'émettre des réserves sur une ou deux autres anecdotes qu'il nous raconte à propos du camp de la mort de Treblinka. Qui sait où cela nous mènerait ? Une grave question se pose néanmoins. Quand on ouvrait les portes de derrière les chambres à gaz, Yankiel apercevait les Juifs exterminés, toujours debout à l'intérieur. Il n'y avait pas assez de place pour qu'ils tombent, voyez-vous. Alors ils continuaient à s'y tenir debout. Juste inclinés les uns sur les autres. Vous demandez-vous pourquoi les genoux de ces gens exterminés ne fléchissaient pas un petit peu ? La question est parfaitement pertinente, mais ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel concerne un deuxième aspect du témoignage oculaire de Viernik quand il affirme que ces cadavres debout étaient « tout jaunes à cause du gaz ». Cette deuxième question essentielle est la suivante. Que disent les manuels de toxicologie sur la couleur des gens qui meurent d'empoisonnement par monoxyde de carbone ? Le Treatment of War Injury, donc le traitement des blessures de guerre, publié chez Merckx et compagnie, deuxième édition révisée, Rahway, New Jersey, 1942, page 56, indique par exemple qu'en cas de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone, la peau peut prendre une couleur rouge cerise. C'est donc Merckx et compagnie contre Yankee Elviernik. Reconnaissons que Viernik ne fait pas le poids. Suggérera-t-on qu'après 50 ans, après les faits que notre homme était daltonien, les indices commencent à s'accumuler de ce que Viernik n'est pas trop un parangon de vérité. Je suppose qu'il a voulu porter un témoignage accablant contre les Allemands, qu'il a essayé de deviner à quoi pouvait ressembler un gazé plein de monoxyde de carbone, mais qu'il a fait le mauvais choix. Je peux pardonner aux Juifs de répandre ce genre d'histoire sur les Allemands, mais que dire des professeurs d'université qui les ressassent à leurs étudiants sans prendre la peine de les examiner plus attentivement ? Pendant que Viernik et les autres auxiliaires juifs travaillaient à exterminer 10 nouvelles chambres à gaz au camp 2 pour le compte des SS homicides et judéophobes, chaque jour de nouveaux convois de juifs étaient amenés dans les 3 chambres à gaz d'origine. Après avoir été dépouillés de leurs vêtements, ces nouveaux arrivants marchaient tout nus jusqu'aux chambres à gaz en passant devant les auxiliaires juifs qui s'activaient le long de leur parcours. Beaucoup d'entre nous reconnurent parmi les victimes des enfants, des épouses et d'autres êtres chers. Pas de protestation de la part des victimes désignées, pas d'avertissement de la part des auxiliaires juifs qui les regardaient passer, aucune expression de colère, aucune tentative désespérée de résister, de fuir, de tuer ceux qui allaient les tuer. De temps à autre, poussé par le chagrin, un homme se précipitait vers ses bien-aimés pour les embrasser, mais il était abattu sur le champ. C'est dans ces conditions que nous construisîmes les chambres à gaz pour nos frères et pour nous-mêmes. À l'en croire, ce fut le quotidien de Viernik pendant 5 semaines. Puis on le renvoya au camp 1, où il reçut l'ordre d'installer un salon de coiffure et de rendre d'autres services aux SS assassins de juifs qui avaient besoin de leur petit confort. Les convois de juifs destinés à l'extermination continuaient à affluer à raison de 1000 à 5 ou 6 par train. Les enfants pleuraient tandis que les adultes gémissaient et hurlaient. Quand arriva l'hiver, des enfants nus restèrent debout dehors des heures durant avant d'être gazés. Leurs pieds gelaient sur le sol glacé, ce qui les faisait pleurer. Certains moururent gelés. Des Allemands et des Ukrainiens passaient et repassaient devant les rangs des victimes désignées, les matraquant et leur donnant des coups de pied. Un Allemand du nom de Sepp venait fréquemment arracher un enfant des bras de sa mère et déchirait l'enfant en deux ou bien le saisissait par les jambes, lui éclatait la tête contre un mur et jetait le corps. Des scènes de ce genre étaient monnaie courante. Ici, il est important de se représenter le tableau. Nous avons la cour de réception du camp 1, avec peut-être 200 ou 300 auxiliaires juifs sous la surveillance d'une douzaine d'Allemands et peut-être 50 ou 60 Ukrainiens. Un convoi de 4 ou 5 000 juifs, peut-être, est déchargé dans la cour. Essayez de visualiser la confusion et la folie ambiante. Les Allemands et les Ukrainiens crient des ordres et font avancer les juifs à coups de matraques et de fouets. Les juifs gémissent et hurlent. Maintenant, on voit arriver l'ignoble et féroce Seppe qui parcourt les rangs de ces milliers de juifs, arrachant les bébés des mains de leur mère et les déchirant en deux en écrabouillant leur petit cerveau contre un mur. Vous voyez la scène ? Les mères juives qui résistent à la tentation de se battre sauvagement pour leurs bébés. Représentez-vous le tableau. Un millier d'hommes adultes regardent sans réaction leurs garçons, leurs filles, leurs neveux et nièces se faire défoncer le crâne et déchirer en deux. Une scène terrifiante, n'est-ce pas ? Seppe est peut-être un monstre ignoble et féroce, mais comment décrire ces mères et pères juifs de Viernec qui assistent passivement à l'assassinat de leurs bébés par ce monstre ? Où est le mot pour les définir ? Le nombre de convois augmentait du jour en jour et il y eut des périodes et on gazait 30 000 personnes par jour. Pas mal si on considère que l'unique agent de mort était les gaz d'échappement d'un seul moteur diesel prélevé sur un char soviétique. On arrive grosso modo à 1250 gazés par heure. Un moteur vaillant, rien d'impossible. Si on retranche le temps nécessaire pour extraire les cadavres après chaque gazage et nettoyer un peu le local, on pourrait arriver à un chiffre de l'ordre de 1250 juifs exterminés toutes les 40 minutes. Tout à fait remarquable, surtout quand on sait qu'un moteur diesel produit quasiment 7 fois moins de monoxyde de carbone qu'un simple moteur à essence. Comment Yankiel Viernik a-t-il pu inventer toutes ces âneries ? Les Mexicains possèdent une expression pour désigner les hommes qui tiennent ce genre de discours. Ils disent d'un homme comme Viernik qu'il a des couilles de bœuf. Viernik est maintenant revenu au camp 2, le camp de la mort, où il effectue des travaux de réfection dans la cuisine. On met sur pied un atelier de menuiserie confié à la responsabilité d'un boulanger de Varsovie. Viernik est employé comme menuisier et sa principale tâche consiste à fabriquer des brancards pour transporter les cadavres des chambres à gaz aux charniers. Les brancards n'ont rien d'extraordinaire, ce sont juste des morceaux de planches cloués à deux poteaux. C'est exactement, n'est-ce pas, ce qu'utiliserait votre usine de mort dernier cri pour transporter 10 000 ou 12 000, voire même 30 000 cadavres par jour sur 300 mètres des chambres à gaz jusqu'aux fosses de sépulture. En admettant qu'un travailleur juif était capable d'effectuer 3 fois par heure les 300 mètres séparant la chambre à gaz de la fosse de sépulture, en chargeant chaque fois 2 cadavres sur son brancard, et qu'il travaillait 20 heures par jour sans prendre le temps de déjeuner, ni de s'interrompre pour fumer, ce qui paraît correspondre à la journée de travail moyenne de ces infortunés ouvriers décidément surhumains, il aurait pu transporter environ 120 cadavres par journée de travail. Pour charrier 12 000 cadavres des chambres à gaz aux fosses de sépulture, il fallait donc 100 juifs surhumains tirant leurs charges comme des fous dans leurs allers-retours entre les chambres à gaz et la fosse. Les jours où 30 000 juifs étaient gazés, le camp devait être pris dans un véritable tourbillon d'activité. Quand Viernik eut réalisé suffisamment de brancards pour permettre aux SS de poursuivre l'extermination des Juifs, sans la moindre anicroche, après avoir fini son travail à la cuisine SS, il construisit une buanderie pour les SS ainsi qu'un laboratoire et des logements pour 15 femmes. Si vous devez collaborer avec ces salauds, autant le faire jusqu'au bout. Je choisis mon équipe et commençais le travail. J'allais chercher moi-même dans les bois certains des nouveaux bois de charpente que je rapportais. Le temps filait vite au boulot. Je veux bien le croire, le temps passe toujours vite quand on a trouvé le moyen de sauver sa peau dans le tourbillon. Entre-temps, pendant que Viernik s'attelle à dégrossir le bois de charpente dans les bois situés entre les deux camps, vêtu de chauds et confortables vêtements de travail. Le défilé d'enfants, d'hommes et de vieillards nus passait devant ce lieu en une silencieuse caravane de mort. De temps à autre, un enfant pleurnichait, mais de quelques doigts, un tueur étreignait alors son maigre cou comme dans un étau et étouffait ses derniers sanglots. Les victimes marchaient à leur perte, les mains en l'air, complètement nues et impuissantes. Au cours d'un événement dont aucun historien n'a retrouvé trace, Himmler arrive à Treblinka et donne l'ordre que le demi-million de juifs exterminés précédemment soient déterrés et incinérés. C'est vers cette époque que la situation se détériore vraiment. Une épidémie de typhus se déclare, mais plus grave encore, on découvre qu'il n'est pas si facile de brûler les cadavres des gens qui ont été liquidés. Les cadavres masculins ne voulaient absolument pas brûler ! À défaut d'autres qualités, les auxiliaires juifs de Treblinka avaient solution à tout. Il apparut que les corps des femmes brûlaient plus facilement que ceux des hommes. On utilisa donc le corps des femmes pour allumer les feux. Et moi qui avais toujours cru qu'une fois mortes, les nanas ne servaient plus à rien. Faites confiance aux auxiliaires juifs de Treblinka pour arranger vos affaires. Mais ces cadavres insolites de dames juives possédaient une autre rare talent. C'était un spectacle terrifiant, le plus épouvantable que des yeux humains aient jamais contemplé. Lorsqu'on incinérait les cadavres de femmes enceintes, leurs abdomens éclataient, les fœtus étaient exposés et on les voyait se consumer dans le ventre de leur mère. Celle-là, je la rumine un bon moment. Tantôt, j'admire la force créative à l'œuvre derrière ce tableau sadomasochiste. Tantôt, j'y vois une manifestation d'extrême chauvinisme juif. Au cours de leur bombardement massif, les Britanniques et les Américains réduisaient en cendres des dizaines de milliers de femmes enceintes allemandes et japonaises. Je n'ai connaissance d'aucun récit suggérant que ces dames non-juives aient été capables d'offrir un tel spectacle avec leurs fœtus. Mais après tout, si on ne s'aime pas et si on ne s'admire pas soi-même, qui nous aimera et qui nous admirera ? Wiernick explique que les auxiliaires juifs avaient exhumé et brûlé une bonne partie du presque demi-million de cadavres pour les SS judéophobes quand surgit un nouveau problème, le survol du camp par l'aviation soviétique. Chaque fois qu'un avion était aperçu au-dessus de nos têtes, tout travail s'interrompait et on recouvrait les cadavres de feuillage pour les camoufler au regard des aviateurs. Voyez le tableau. Lorsqu'un travailleur juif occupé à détruire l'épreuve de l'extermination d'un demi-million de ses compadres apercevait un avion se dirigeant vers le camp de la mort de Treblinka, il criait pour prévenir. Bien entendu, les auxiliaires juifs ne voulaient pas être découverts là, en bas, et risquaient d'être libérés par les cocos. Alors ils laissaient tomber leur pelle et commençaient à recouvrir les 3 à 4 000, plus tard même, quand les choses se mirent vraiment à chauffer, les 12 000 et quelques cadavres avec des feuillages conservés à proximité. Il fallait mener à bien toute l'opération entre le moment où l'avion avait été aperçu en train de foncer vers eux à près de 450 km/h et celui où l'aviateur pouvait jeter un coup d'œil vers le bas. Imagine-t-on combien ces auxiliaires juifs éperdus devaient s'activer pour réaliser pareille cabriole ? Il n'est pas étonnant qu'après la guerre, ils se soient amèrement plaints que les SS les aient fait travailler si dur. Peut-être vous demandez-vous pourquoi ces SS aussi pervers qu'ingénieux et tellement soucieux de dissimuler leur crémation aux yeux des aviateurs soviétiques avaient choisi de couvrir de feuillage, de broussailles, les milliers de cadavres masculins imprégnés d'essence et toutes les femmes à combustion rapide utilisées pour allumer le feu. Peut-être vous demandez-vous si la fumée d'un tel bûcher n'était pas un indicateur susceptible d'alerter l'aviateur soviétique le plus défoncé à la vodka qui fût. Wiernick a déjà décrit le spectacle de 12 000 cadavres brûlant tous ensemble. Un immense enfer qui, de loin, ressemblait à un volcan perçant la croûte terrestre pour vomir le feu et la lave. Pourtant, la SS qui, pensons-nous, dirigeait plus ou moins les opérations à Treblinka, quoique avec des auxiliaires juifs du calibre de Yankiel Wiernick, la SS n'avait peut-être pas trop à faire, estima que pour recouvrir en seulement quelques minutes un volcan en éruption, les feuillages étaient encore le matériau le mieux adapté. Si les auxiliaires juifs sont au comble de l'horreur et de la souffrance à la vue de ces crémations infernales, les Allemands réagissaient différemment. Ils se tiennent près des cendres, secoués d'un rire satanique, leur visage rayonnant d'une satisfaction cruelle et satanique. Ils célébraient la scène avec du cognac et les plus fines liqueurs, mangeaient, festoyaient et prenaient du bon temps. Pendant que les auxiliaires juifs souffraient, les cœurs des monstres allemands étaient remplis de fierté et de contentement. Le sergent qui avait créé cet enfer s'assit près du feu en riant, le caressa des yeux et dit « Tadlos !» Parfait. Si ces travailleurs juifs sont submergés d'horreur et de douleur à la vue de ce à quoi ils coopèrent, ils ne se départissent jamais de cet instinct naturel qui les pousse à se distinguer. Comme la crémation était une rude besogne, la rivalité s'installa entre les unités de travail pour savoir laquelle serait capable d'incinérer le plus grand nombre de corps. On installa des tableaux d'affichage sur lesquels furent inscrites les performances quotidiennes. L'horreur et la souffrance ont leur place, mais avec un demi-million de Maccabées à brûler, autant en faire un jeu. La discipline du camp se durcit. Dans le camp 2, le camp de la mort, on construisit un poste de garde et on installa un téléphone. À mon avis, un demi-million de juifs étaient déjà morts, il était temps de construire un poste de garde. Pour le téléphone, je ne sais pas. Cela paraît un peu excessif. Un officier SS aborda Wiernick pour lui demander conseil à propos de la construction d'un mirador de 4 étages. C'était pour faciliter la surveillance de ces auxiliaires juifs tellement retors et des dizaines de milliers de juifs à gazer dès leur arrivée. Vous ne voudriez pas que l'un d'eux s'échappe, n'est-ce pas ? Le mirador aiderait aussi les SS à guetter les bandes de partisans juifs vengeurs dans les bois voisins qui, en fait, ne songèrent jamais à attaquer le camp de la mort de Treblinka. L'officier SS fut très heureux lorsque Wiernick lui donna tous les renseignements nécessaires et il me récompensa avec du pain et du saucisson. Je savais que ma vie serait épargnée encore quelques semaines de plus, car tant qu'ils avaient besoin de moi, ils ne me tueraient pas. Et pourquoi avait-il besoin de lui ? Ne perdons pas cela de vue, c'était pour aider les SS à exterminer grosso modo 1 million de juifs. Wiernick écrit que, quand il acheva le premier mirador, les SS le complimentèrent de manière extravagante et lui demandèrent d'en construire 3 autres semblables autour du camp 2, le camp de la mort. Diable, pourquoi pas ? En avril 1943, une autre épidémie de typhus fit rage au camp 1. Des convois commencèrent d'arriver de Varsovie. Ces juifs furent traités avec une cruauté exceptionnelle, à la différence, je suppose, de ceux qui les avaient précédés. Tandis qu'on tuait un arrivage de femmes et d'enfants, d'autres étaient laissés à l'écart et se tenaient là, attendant leur tour. Très souvent, des enfants étaient arrachés des mains de leur mère et précipités vivants dans les flammes. Leurs tortionnaires riaient, exhortant les mères à être courageuses et à sauter dans les flammes derrière leurs enfants. En même temps, comme parmi les dizaines de milliers de juifs qu'on exterminait, beaucoup avaient heureusement emporté de quoi manger, la nourriture dans notre camp s'améliora. On construit une douche pour les auxiliaires juifs, on leur distribue du linge propre une fois par semaine et on installe une blanchisserie tenue par des auxiliaires juives. C'est alors que Wiernick et une poignée de ses collègues de travail, parmi les plus courageux, décident qu'ils se feront la belle à l'arrivée du printemps. Jusqu'à présent, ils ont collaboré avec les SS et participé à l'extermination d'environ 600 000 de leurs proches, les êtres les plus chers à leur cœur, mais ils commencent à se lasser de la routine. Wiernick contracte un rhume qui dégénère en pneumonie. La politique à Treblinka veut qu'on tue quiconque n'est pas en parfaite condition physique. Un œil au beurre noir, une égratignure sur le visage, un peu de vertige, et c'est une balle dans la nuque. Sans appel possible, mais comme Wiernick a une valeur inestimable, peut-être parce qu'il est le seul maître maçon dans cette partie de l'Europe de l'Est, il est suivi jour après jour dans son lit de malade par un médecin juif qui lui prodigue médicaments et réconfort. Son supérieur allemand, Lefleur, lui apporte du pain blanc, du beurre et de la crème. Quand Lefleur confisque de la nourriture aux fraudeurs, il la partage avec Wiernick. Malgré les incroyables rigueurs que je connus, je me rétablis. Je retournai au travail pour finir la construction des miradors. Une fois les miradors terminés, la SS s'adresse à Yankiel Wiernick en lui demandant s'il serait assez aimable pour leur construire un blockhaus. Bien sûr que Wiernick va construire un blockhaus pour la SS, où est le problème ? Par comparaison avec le camp 1, où des milliers et parfois des dizaines de milliers de juifs sont exterminés chaque jour, les auxiliaires juifs du camp 2 jouissaient d'une totale liberté. On nous permettait par exemple de fumer pendant le travail et nous recevions même des rations de cigarettes. On distribuait également à l'équipe de Yankiel chaque jour des rations supplémentaires d'un demi-kilogramme de pain par personne afin de la sustenter pendant le dur travail qu'elle accomplit pour le compte de la SS. Quand le blockhaus est terminé, les SS et les auxiliaires juifs fêtent l'événement avec des alcools et des saucissons. Sans rancune, voyez-vous. Bien que tout ne soit pas douceur et lumière au camp de la mort de Treblinka, Yann Kiel et ses compagnons ne perdent pas leur sens inné de l'humour. Une nuit, alors que la cour était jonchée de milliers de cadavres, Yann Kiel observe les Allemands et les Ukrainiens qui frappent les auxiliaires juifs avec des crosses de fusil et des cannes, tandis que la lune et les lampes des projecteurs projettent une lumière surnaturelle sur cet effroyable massacre. Les gémissements des torturés se mêlant au sifflement des fouets faisaient un bruit infernal. Croiriez-vous qu'un être humain vivant dans de telles conditions puisse en sourire et en plaisanter pour de vrai ? Bien sûr, pourquoi pas ? Afin de démontrer que les Allemands ont aussi leur côté relax, la SS décide d'organiser des représentations théâtrales, des concerts, des récitals de danse, etc. Les acteurs sont recrutés parmi les détenus dispensés de leur travail habituel, exterminer les Juifs d'Europe pour participer aux répétitions. Les représentations ont lieu le dimanche, bien entendu. Des auxiliaires juifs forment un chœur accompagné par un ensemble de 3 musiciens. Cet ensemble avait été constitué précédemment pour jouer tous les jours pendant l'appel après les séances de fouet. Tandis que les SS prennent leur repas de midi, des acteurs juifs se tiennent devant l'entrée du réfectoire, jouent de la musique et chantent. Nos tourmenteurs s'amusaient beaucoup avec nous autres, nous habillant en clowns et nous attribuant des fonctions qui, si déprimés que nous fussions en fin de compte, nous faisaient rire. Encouragés par ces rires et toujours enclins à pousser la plaisanterie un peu trop loin de toute façon, les SS habillent un des auxiliaires juifs en circassien à pantalon rouge, veste étroite, ceinture de cartouche en bois, fusil en bois et haute chapka de fourrure. On le force à faire le clown et à danser jusqu'à épuisement. Les dimanches sont particulièrement joyeux. Ce jour-là, on habille ce même travailleur juif d'un habit ballant au parement rouge, d'un pantalon strié de rouge et d'une écharpe rouge, après quoi on le fait boire à l'excès et on l'utilise pour des jeux grossiers. Un autre travailleur juif est nommé « Maître de la merde ». Il était habillé en chantre et dut même se laisser pousser un bouc. Il portait autour du cou un gros réveil attaché à une ficelle. Nul n'était autorisé à rester aux latrines plus de 3 minutes et sa fonction consistait à compter le temps de chaque utilisateur. Rien que de le voir, on éclatait de rire. À l'approche de la fin juillet 1943, on estime que 75% des cadavres des Juifs exterminés ont été déterrés et brûlés sur des bûchers géants. Peut-être 700 000 Juifs. Maintenant, il est temps de combler les fosses vides avec les cendres des victimes mêlées à de la terre de manière à effacer toute trace des charniers. Il apparaît alors que des cendres des Juifs incinérés avaient été mises de côté temporairement. Si un cadavre se réduit à environ 2,7 kg, disons qu'il y a à peu près de 27 000 tonnes de cendres entassées derrière les chambres à gaz. Voilà un spectacle qui avait de quoi frapper les esprits. Pourtant, aucun des autres courageux survivants ne semble en avoir fait mention. Peut-être était-elle recouverte de feuillage. Comment cette montagne de cendres fut-elle amenée dans les fosses géantes et mélangée avec peut-être 27 000 tonnes de terre ? Yann Kiel dit que le travail fut confié aux auxiliaires juifs, avec des pelles et des râteaux ? Si ces travailleurs juifs exténués et bouleversés durent mélanger 27 000 tonnes de cendres avec 27 000 tonnes de terre dans des fosses géantes, je ne peux vraiment pas leur en vouloir de réclamer un peu d'aide. En tout cas, le travail se fait. Le bout de terrain ainsi gagné devrait servir d'une manière ou d'une autre. Alors on le clôture avec du barbelé, en même temps qu'une partie du camp 1, et les auxiliaires juifs plantent du lupin et des pins par-dessus. Un jour, la SS célèbre la retraite de sa pelleteuse en pointant son godet vers le ciel, en tirant des salves et en organisant un banquet avec beaucoup de boissons et de gaieté. « Les cendres ne parlent pas !» écrit Wiernick. Je crois que 27 000 tonnes de cendres et d'os broyés ne passeraient pas inaperçues si on découvrait qu'elles constituent la moitié d'un terrain de remblai de 54 000 tonnes dans les limites d'excavation soigneusement tracées sur un site où, d'après des témoins oculaires, les Allemands assassinèrent près d'un million de Juifs. Mais peut-être y a-t-il un point qui m'échappe. Le mouvement de résistance de Treblinka, composé des auxiliaires juifs les plus clairvoyants et les plus courageux, travaille toujours à son projet de révolte, d'évasion et de divulgation de son histoire au monde entier. Le mouvement s'était constitué dès les premiers jours du camp et fonctionnait alors même que ses membres, dans leur vie quotidienne, collaboraient à l'extermination de près d'un million de juifs. À l'approche du mois d'août, pourtant, la résistance en eut assez de notre existence misérable et seule importait l'idée de prendre notre revanche sur nos tourmenteurs et de nous évader. Ils sont parfaitement conscients des problèmes que pose une évasion. Des gardes armés occupent par exemple les miradors que Yankiel a construits pour la SS. Cependant, nous décidâmes de prendre le risque quoi qu'il advînt. Nous en avions assez des tortures et de ces spectacles abominables. L'après-midi du 2 août 1943, selon Wiernick, les auxiliaires juifs de Treblinka déclenchèrent leur révolte et Yankiel est de ceux qui parviennent à se cacher en lieu sûr. Il peut alors rédiger son émouvant essai autobiographique en portant témoignage de la monstruosité allemande et de la patience et de la souffrance juive. Quelles sont les qualités de caractère qui lui permirent de supporter pareille souffrance en conservant malgré tout sa dignité et son humanité? Et comment se traduisent-elles dans son récit? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans cette anecdote toute simple. « Je n'ai jamais agi de manière obséquieuse avec les Allemands. Par exemple, je n'ai jamais enlevé ma casquette quand je parlais au lieutenant Franz. Si cela avait été un autre détenu, il l'aurait tué sur le champ. Mais tout ce qu'il faisait, c'était de me chuchoter en allemand. « Quand tu me parles, souviens-toi d'ôter ta casquette. » Voilà, Yankiel Wiernick acceptait de frayer avec les SS jusqu'à un certain point, mais il y mettait une limite. Ils construiraient leur chambre à gaz pour eux, ils bâtiraient leur cuisine, leur laboratoire et des logements pour les femmes, ils dresseraient des clôtures en bouleau autour du jardin d'agrément et de la ménagerie de la SS et des portails spéciaux pour les clôtures. Ils étaient prêts à collaborer à l'extermination d'environ un million de juifs, ils voulaient bien enterrer les cadavres, puis aider à les déterrer et les brûler pour cacher les preuves du crime, ils pouvaient accepter que des gardiens SS assomment des bébés juifs en les projetant contre les angles des bâtiments ou déchirent les bambins en deux à main nue. Mais quand il fallait s'entretenir avec le lieutenant SS Kurz Franz, Yankiel Wiernick ne pouvait aller plus loin. Il refusait d'ôter sa casquette. Le procureur israélien utilisa le témoignage de Yankiel Wiernick et le tribunal de Jérusalem l'inclut dans ses accusations contre John Domeniuk. Ils en eurent communication par Itzhak Arad, directeur du mémorial de l'Holocauste de Yad Vashem, le centre international pour la recherche sur l'Holocauste basé à Jérusalem. Alan Ryan, alors procureur général de l'Office of Special Investigation, le bureau des enquêtes spéciales, aux États-Unis, l'homme qui contribua le plus à l'extradition de John Domeniuk pour qu'il fût jugé en Israël où il risquait la peine de mort, fit du récit de Yankiel Wiernick l'élément central de son livre « Kiet Neighbor, Prosecuting Nazi War Criminal in America ». En 1944, qui pouvait le prévoir ? Yankiel Wiernick aurait pu tout simplement disparaître de l'histoire et de la mémoire de son peuple, mais par ses mensonges éhontés et par son penchant pour les fantasmes sadomasochistes et son sens détraqué de l'humour, il a réussi à s'élever au rang de héros internationalement respecté du culte de l'Holocauste. Son autobiographie a influencé des classes entières d'intellectuels et les membres des ministères publics des gouvernements occidentaux les plus avancés. Fou ! Et disons-le franchement, issu d'un esprit ordurier, ce récit de Yankiel Wiernick est devenu un pilier de l'histoire orthodoxe de l'Holocauste.